Oui, bonjour, c'est Nathalie à l'appareil. J'appelle pour vous remercier pour l'émission du jour sur Whitney Houston. Ça m'a fait replonger dans des années où j'étais insouciante, heureuse, etc. Et surtout, Whitney, c'est une chanteuse que j'adore. Pour moi, c'est la meilleure des voix de ces dernières décennies, voire du siècle dernier, voire des siècles à venir. And I will always love Là, j'écoute Whitney Houston. Vous parlez que de elle, sa voix, alors rien d'exceptionnel, tout compte fait, sa voix, si on écoute bien, c'est surtout les arrangements qu'il y a derrière. Elle est simplement l'esclave d'un arrangement. Elle doit chanter pour l'arrangement. C'est pas une chanteuse avec un arrangement derrière, comme Aretha Franklin. Non, non, non, pas du tout. Donc, ouais, c'est bien, mais enfin, quand même, faut pas pousser non plus. Oui, bonjour, c'est Delphine. J'appelle parce que j'écris une thèse sur les chanteurs morts dans une baignoire. Donc j'ai réussi à prendre pas mal d'éléments grâce à votre émission sur Whitney Houston. Je voulais savoir si vous aviez prévu d'en faire une sur Claude François avant la rentrée. Ça m'arrangerait bien. À bientôt. Je suis content parce que j'ai appris quelque chose. J'étais persuadé que la fameuse chanson du Bodyguard de Whitney Houston, eh ben, elle était d'elle. Et en fait, c'est une reprise de Dolly Parton, ce que j'ignorais. Donc je vous en remercie. Voilà, c'était François de Concarneau. Salut Frédéric, c'est là quand on écoute l'émission sur Whitney Houston qu'on se dit que ben voilà, avec la famille de Céline Dion et bien drivée par René Angélil, et ben tout ça ne serait pas arrivé, c'est bien triste. Et Whitney serait sans doute encore de parmi nous. Voilà. C'est fou hein, les destins comme ça. J'ai écouté la When You Believe avec Whitney Houston et Mariah Carey. Mais enfin, ces deux gonzesses qui crient dans la soupe, c'est n'importe quoi. Elles gueulent dans la soupe. 2 heures après l'émission, toujours chantonner les chansons de Whitney Houston alors qu'on n'a pas grand-chose à faire de cette chanteuse, c'est ça l'effet blockbuster. J'ai racheté une PS4, j'ai racheté GTA, j'ai racheté le coffret The Wire, j'ai racheté les Chevaliers de Zodiac. Bref, la facture, j'envoie à qui? Je l'envoie à toi, Fred, à la production, à France Inter, enfin voilà. Ouais, salut Blockbuster, c'est Jean-Claude Van Damme. Voilà, j'appelais juste pour dire que j'aimais bien ton émission, c'était cool. C'est un peu France Inter, c'est la life. Voilà, c'est tout. Bah, du coup, générique. J'ai repensé aux grandes périodes de l'histoire du monde, et je suis formel, je vis à la meilleure époque possible pour moi. La préhistoire? Il n'y a pas moyen. Je suis myope, je porte des lunettes, et à cette époque, à moins que les historiens me contredisent, les lunettes, non seulement c'était pas remboursé, mais en plus, ça n'avait pas été inventé. Donc moi, la préhistoire, le tigre aux dents de sabre, si je le vois, c'est qu'il est déjà trop tard. L'Antiquité, statistiquement, il y avait quand même beaucoup plus de chances que je naisse parmi les esclaves que dans une famille noble. Les grappes de raisins sur des canapés, à parler philosophie et démocratie avec Socrate, on va pas se mentir, c'était quand même un truc hyper VIP. Hein, c'était un loisir de niche. Rien que parler, c'était VIP. Moi, je me connais. Avec ma chance, j'aurais été l'esclave immatriculé 11233, celui qui se fait écraser par une grosse pierre de pyramide qu'il était en train de pousser. Au Moyen-Âge, soit j'aurais été paysan, et vu que j'ai pas la main verte, je serais mort de faim extrêmement vite, soit j'aurais été soldat, et vu à quel point j'arrive déjà à me blesser rien qu'avec un couteau à bourron, avec une épée, j'en parle même pas. La colonisation et le triangle d'or, bon, vu que mon père était noir, je crois que je sais où on m'aurait retrouvé, hein, y a pas vraiment de doute sur le sujet, c'est ça qui est bien, hein, Versailles, les perruques, le clavecin, le visage poudré, tout ça, alors là c'est clair, même sur un malentendu, c'était pas possible pour moi. Et première et seconde guerre mondiale, bah pareil, hein, ça a été un tel gâchis de vie humaine que l'armée, moi, même avec mes pieds plats, elle m'aurait pris. À cette époque, même les P3, ils les prenaient. Un P3, ça pouvait terminer sergent. Donc non, vraiment, j'ai beau tourner ça dans tous les sens, je vis et je m'éclate à la seule époque qui permet à quelqu'un comme moi de vivre et de s'éclater. Et je crois qu'on mesure pas assez la chance que l'on a par rapport à nos ancêtres en termes de santé, de confort, même de sécurité. Vous imaginez ce que ça serait de pouvoir vivre ne serait-ce qu'une heure dans la peau d'un de vos ancêtres? Eh bien, figurez-vous que c'est le scénario d'un jeu vidéo qui s'appelle Assassin's Creed. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Salut. Tu dois trouver ça déstabilisant, alors écoute bien. Je m'appelle Bishop. Bon, c'est pas mon vrai nom, mais t'as pas besoin d'en savoir plus. Écoute bien ce que je vais te dire. Abstergo se sert de toi. Il pirate tes neurones dans le but de fouiller des mémoires génétiques. Cette organisation a déjà pris le contrôle d'un grand nombre de sociétés, des gouvernements, des médias et des ONG. Mais maintenant, ils ont décidé de s'approprier l'histoire. Notre mission est de les arrêter, et on a besoin de ton aide. En 2007, le studio Ubisoft sort un jeu vidéo qui a la bonne idée de donner aux joueurs la possibilité d'incarner Altaïr, un assassin évoluant dans le Jérusalem du XIIe siècle. Mais aussi Desmond, son descendant du XXIe siècle, qui revit la vie de son ancêtre grâce à une machine nommée l'Animus. Le but du jeu est simple, dans un monde ouvert, il faut enquêter sur le passé afin de découvrir de puissants artefacts cachés dans le futur. Le deuxième Assassin's Creed nous emmènera en Italie, en pleine Renaissance, puis aux États-Unis, la France de la Révolution, la Nouvelle-Orléans aux heures sombres d'esclavage, en Chine, à Londres, ou même en Égypte ou en Grèce antique. En très peu de temps, au regard d'autres franchises du jeu vidéo, Assassin's Creed s'est imposé comme une référence du jeu en monde ouvert, mais aussi comme un outil de médiation formidable pour les profs d'histoire ou les étudiants en muséologie. Pour se plonger dans l'histoire incroyable de cette saga, j'ai avec moi Anthony Solaire. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez Ubisoft et vous êtes plus particulièrement responsable du lancement d'Assassin's Creed en France. Exactement, c'est tout à fait ça. J'ai également à mes côtés Aurélien Deveau-Walter, bonjour. Bonjour. Vous êtes gamer, fan de la licence Assassin's Creed et vous gérez la page Assassin's Creed Templiers où vous bloguez régulièrement sur les dernières actualités du jeu. Exactement. Également avec nous Loïc Rallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes gamer et rédacteur pour le site jeuxvideo.com. Mmh, tout à fait. Et vous connaissez la franchise Assassin's Creed sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts, il y a peut-être des doigts qui rappent un petit peu, mais ouais. Voilà, les doigts d'un quelqu'un qui serait fait... Qui aurait pris un Yakuza. Un petit coup d'épée. Ouais, voilà. Yakuza, c'est très bien. Ouais. Et également celui qu'on ne présente plus. Mais on va le présenter voilà, quand même. Non, Olivier Bénis, mon copain, journaliste ici à France Inter. Et vous avez notamment tous les mardis une formidable chronique que je recommande sur les jeux vidéo qui s'appelle La faute aux jeux vidéo. Salut Frédéric. Alors ensemble, on va essayer de vous faire découvrir des choses sur cette fabuleuse saga du jeu vidéo. Et qui sait, peut-être même vous donner envie d'y jouer parce que ça serait pas mal. Allez, c'est Blockbuster sur France Inter. Et ce matin, on remonte le temps avec Assassin's Creed. Digone, charge la séquence génétique AD16, B13, I87. Je te prépare ça. La semaine dernière, on a piraté une banque de mémoire non séquencée sur les serveurs Elix d'Abstergo. Pour le moment, on aimerait te faire explorer une partie de la vie d'Arthur, que tu comprennes un peu mieux le combat qu'on mène. Après ça, tu pourras choisir pour quel camp tu veux te battre. C'est à toi de voir. Anthony, première question. Assassin's Creed, c'est quoi ? C'est une vaste question. C'est d'abord un univers. C'est l'histoire d'un conflit millénaire entre deux entités, les assassins et les templiers. Chacun, en fait, défendant une vision de la gestion de la société. Donc les templiers qui vont essayer de gouverner la société à travers un ordre strict, une quasi-dictature, en fait, visant à gérer la société par une minorité de personnes éclairées. Et les assassins, de l'autre côté, qui, eux, vont défendre la liberté d'expression, le libre arbitre et la liberté absolue pour les peuples. C'est un peu la méta-histoire qui va, en fait, se retrouver dans absolument tous les jeux de la franchise. Alors, il y a cette dimension d'assassin, on l'a compris, mais il y a aussi tout un environnement historique et géographique très très important dans la saga. Je dis ça surtout pour les auditeurs qui pourraient penser que c'est un jeu où on se contente de zigouiller tout le monde, ça va un petit peu plus loin que ça. Non, c'est toujours systématiquement la lutte pour un idéal en fait. Effectivement, toutes les actions des assassins qui sont faites à travers le jeu visent en réalité à défendre la vision des assassins. Par exemple, dans la quasi-totalité des jeux assassins, vous ne pouvez pas tuer d'innocents. Si vous tuez des innocents, vous perdez le jeu, c'est game over et vous devez recommencer à votre dernière sauvegarde. Donc systématiquement, toutes les actions des assassins sont effectivement justifiées par un but ultime. Et Olivier Bénis, qui sont les créateurs d'Assassin's Creed ? Ubisoft, c'est une des plus grosses boîtes mondiales du jeu vidéo, si ce n'est la plus grande en tout cas, qui est une boîte qui est à l'origine est française, si je ne me trompe pas. Cocorico. Voilà, sachant qu'Assassin's Creed donc, n'est pas vraiment un jeu français à l'inverse, puisqu'il est développé à Montréal, mais c'est presque pareil, ce sont nos cousins. Donc, je ne sais pas faire le coq en québécois. En québécois, c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup de Français qui participent au développement du jeu à Montréal. Ouais, voilà, c'est donc l'émission s'appelle Blockbusters, et je pense qu'on peut pas mieux tomber pour parler d'Assassin's Creed que de cette émission, parce que c'est l'exemple type du blockbuster vidéoludique. C'est quelque chose qui, quand il est arrivé en 2007, était très attendu déjà, parce qu'il y avait une anticipation. En fait, les premières images du jeu étaient très impressionnantes. C'était, il me semble, un des jeux vraiment pour vendre la console Xbox. À l'époque, il y avait un gros partenariat avec Microsoft, et l'idée c'était de montrer ça pour en mettre plein la vue, en disant une vitrine technologique. Voilà, cette console pourra faire ça. Et c'est devenu petit à petit, au fil des épisodes, un peu la poule aux œufs d'or d'Ubisoft, une des poules aux œufs d'or d'Ubisoft, parce qu'elle en a plusieurs, mais vraiment Assassin's Creed a été est devenu très très vite le truc qu'on avait à Noël. Chaque année il y avait un épisode qui sortait, ou presque, à quelques exceptions près, et donc il y avait le nouvel épisode d'Assassin's Creed, avec à chaque fois une nouvelle époque, un nouvel argument de vente, du coup, puisqu'il y avait le côté vous avez toujours rêvé d'aller en Grèce antique, c'est bon, c'est possible, vous avez toujours rêvé de vivre la révolution, c'est possible, etc., etc. Et donc c'est devenu une espèce de machine de guerre qui a eu ses hauts et ses bas, commercialement aussi, parce qu'il y a eu une période où c'était un peu plus compliqué, et il y a quelques années, pas le dernier épisode mais le précédent, lancer la franchise brillamment en remettant Origins. En rebattant complètement les cartes et en reprenant presque à zéro. Et voilà. Et donc c'est une énorme franchise du jeu vidéo. C'est peut-être une des plus influentes actuellement. Aurélien Deveau, vous êtes fan du jeu. Est-ce que vous avez découvert Assassin's Creed avec le premier opus? Oui, tout à fait. Le premier opus, j'avais 14 ans à l'époque. Sur quelle console? PS3. J'ai essentiellement tous les actuellement j'ai tous les Assassin's Creed qui sont sortis sur console. Et également sur les consoles portables comme la DS, PSP, même la PS Vita. Ah, la PS Vita. Ouais. Une console portable de Sony, je l'explique aux auditeurs, ils disent, mais ils sont complètement, je comprends rien de ce qu'ils disent. C'est une petite console portable, c'est l'ancêtre de ce qu'est la Switch, Nintendo Switch aujourd'hui. Petit ange parti trop tôt. Oui, petit ange parti trop tôt. Oui, c'est ça, faut pas avoir des bonnes idées trop tôt. Et est-ce que vous jouez à d'autres jeux ou ça se limite à Assassin's Creed? Auquel cas, les gens d'Ubisoft vont être très très contents si vous dites qu'il y a que ce jeu. Je pense qu'ils vont être contents aussi, parce que je ne joue pas qu'à des Assassin's Creed, mais je joue aussi à d'autres jeux d'Ubisoft, tels que Far Cry ou Watch Dogs. D'accord. Là, je sais que je vais recevoir une tonne de mails qui vont me dire « Mais vous vous rendez compte? Vous faites de la pub et honte pour Ubisoft ?» Bah oui, non, ici, ils font des bons jeux. Bon, Far Cry... Bref. et Loïc, vous qui testez des jeux à longueur de journée, à quel moment Assassin's Creed s'est distingué de ce flot continu de sorties dans le monde du jeu vidéo? C'est le... La dernière partie du voyage dans le temps, en fait, qui on a l'habitude de voir des jeux au Moyen-Âge ou qui ont traversé les époques, le 18e siècle ou le 19e siècle, qui ont été pas mal représentés, mais c'était dans des genres la stratégie ou ce genre de choses où en tant que joueur, on est très extérieur à tout ça, on est une espèce de mastermind qui contrôle les petites troupes au sol, etc. Assassin's Creed, il mettait le joueur dans l'univers parce qu'on contrôle Altaïr ou Ezio, peu importe, on est dans le monde, c'est nous qui agissons et c'est le côté immersion dans un monde qu'on n'a pas connu et qu'on peut visiter, qu'on peut découvrir, qui a séduit dès le premier et qui a embarqué tout le monde, je pense, avec le 2. Pour moi, c'est le 2 qui a vraiment lancé, qui a servi de tremplin pour la série, effectivement. Le 2 qui se passe, voilà. Florence et Venise à la fin du 15e siècle, ouais, et qui était. Qui amorce l'histoire de Ezio Auditore. Tout à fait. Le principal avatar qu'on contrôle dans ce jeu, et ensuite dans deux autres qui ont suivi. Voilà. Ce qui est un peu une exception d'ailleurs dans la série Assassin's Creed, parce que le principe normalement à chaque fois est de nous mettre dans une époque différente, et donc dans la peau d'un personnage différent. Ce qui est intéressant, si je rebondis sur ce que dit Loïc, c'est que ce qui a fait le succès d'Assassin's Creed au-delà du côté historique, c'est le fait que ce soit finalement des bacs à sable, mais vraiment du bac à sable extrêmement perfectionné, extrêmement fourni, très bien documenté. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de vous dire, ça peut arriver qu'on joue Assassin's Creed sans jamais aller au bout du scénario vraiment général, on peut juste y aller pour se balader, pour faire des missions annexes, pour explorer des ruelles, des choses comme ça, et on peut quasiment explorer la reproduction, enfin faire du tourisme en fait, dans la reproduction d'une ville à une époque donnée. Et c'est ça aussi qui était très très attractif, d'autant que c'était, encore une fois, très bien fait, très bien documenté. On va continuer de parler d'Assassin's Creed, mais dans un souci d'équité, du temps musical, on va écouter History Repeating de Shirley Bassey, remixé par Purple Heads. About there's something evolving, whatever may come, The world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. C'était History Repeating de Shirley Bassey dans Blockbuster sur France Inter. Au Vatican, tout le monde est en émoi. Cesare est malade et le pape est mort. Es-tu la cause de tout cela ? Leonardo, je te le jure, il n'est pas mort par ma main. Ce monde est plus étrange chaque jour. Heureusement que j'ai la peinture. Tiens, je travaille sur un portrait de femme. Et j'avoue qu'il me plaît. Ne laisse surtout pas une jolie femme te distraire. Tu as des armes à fabriquer. Pas d'inquiétude. Les femmes ne me distraient que rarement. Quoi ? Je ne comprends pas. Nous sommes toujours avec Anthony Soler, Aurélien Devaux-Walter, oui. Loïc Rallet et Olivier Bénis pour parler d'Assassin's Creed. On vient d'entendre un extrait d'Assassin's Creed 2, une conversation entre Ezio Auditore et Léonard de Vinci, parce que c'est une particularité d'Assassin's Creed, on rencontre souvent des grandes figures historiques. Donc j'ai envie de vous poser la question, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, c'est le truc en plus qu'il faut mettre dans le jeu ? C'était aussi une volonté pour nous d'inscrire la saga Assassin's Creed dans la pop culture en fait. C'est vrai que quand vous voyez aujourd'hui Léonard de Vinci, quand vous voyez Cléopâtre, Jules César, au-delà du fait que ce sont des personnages historiques qui ont joué un rôle prépondérant dans le développement de l'histoire de l'humanité, c'est aussi devenu des personnages de pop culture, de blockbuster. Donc c'était aussi pour nous l'occasion de s'amuser un petit peu avec ces grandes figures historiques qui ont été représentées de 40 milliards de façons différentes en fonction des différentes œuvres, et de nous aussi apporter un peu notre vision de ces personnages-là à la franchise. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler avec des gens qui ne connaissent pas du tout l'univers du jeu vidéo, parce que souvent, une des réactions, c'est de dire oh « Oui, enfin, je suis désolé, mais si c'est ça votre vision de l'histoire, ça n'a absolument rien de concret, de réaliste. » Mais ce n'est pas fondamentalement différent de ce qu'a fait Alexandre Dumas avec les Trois Mousquetaires, par exemple. En fait, tout est une question aussi de comment est-ce que nous, on décide de représenter l'histoire. Donc, c'est vrai que Assassin's Creed, on travaille énormément avec énormément d'historiens. Chaque opus, on travaille avec des experts de la période qu'on identifie. Mais on n'a pas vocation à réaliser une représentation historique exacte, scientifique. C'est pas du tout le propos de la série. Comme la plupart des films, comme la plupart des autres jeux vidéo qui ont pu explorer d'autres périodes de l'histoire, c'est l'occasion pour nous d'apporter une vision artistique à chacune de ces périodes. Comment est-ce que l'inconscient des différents artistes qui travaillent sur ces différentes franchises va un peu influencer le développement du jeu et du coup la représentation dans le jeu de la réalité historique. Anthony Soler, tant que vous avez la parole, j'en profite. À combien d'exemplaires on peut estimer la vente d'Assassin's Creed ? C'est compliqué, ça fait un moment qu'on ne communique plus sur nos chiffres, mais ça se compte. Mais j'aimerais bien que vous le fassiez pour ça se compte. On aime les chiffres, on aime les brosos. Alors je peux vous dire que ça se compte en plusieurs. Enfin, ça va au-delà des centaines de millions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui compte pour nous, c'est d'abord l'engagement des joueurs dans nos jeux. Effectivement, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de savoir combien de personnes ont acheté le jeu. Ce qui nous intéresse, c'est de voir combien de temps les gens passent dans nos univers. Tout simplement parce que aujourd'hui, les jeux qu'on sort. Ne sont pas simplement une histoire d'un point A à un point B, les jeux ne durent plus 10 heures. Les jeux sont effectivement des sandbox où les gens font un peu ce qu'ils ont envie de faire dans nos univers. Et du coup, ça permet à certains jeux d'être joués pendant des centaines et des centaines d'heures par nos joueurs. Et c'est surtout ça qui compte pour nous aujourd'hui, c'est de voir un peu l'engagement des fans dans nos univers. Alors là, je vais m'adresser aux joueurs autour de la table, c'est-à-dire Olivier Bénis, Aurélien, Loïc. Dans Assassin's Creed, le personnage ne meurt jamais, il se désynchronise. Et je trouve que c'est quelque chose, quand on joue Assassin's Creed, qui est assez intéressant par rapport à d'autres jeux, parce qu'en fait, il ne s'agit pas finalement de gagner à tout prix, il s'agit de revivre précisément la vie d'un ancêtre, le plus fidèlement possible. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez, auquel vous avez été sensible quand vous avez découvert Assassin's Creed ? En fait, le truc, Olivier Bénis, Assassin's Creed, c'est la mise en abîme ultime du joueur de jeu vidéo, c'est que vous jouez quelqu'un qui joue lui-même à un jeu vidéo encore plus perfectionné, où il joue son ancêtre. Parce que, donc, on parlait de l'Animus tout à l'heure, l'Animus est une machine qui va pas reproduire le passé ou l'histoire par rapport à des documents ni rien, il va le reproduire à partir de la mémoire génétique de la personne qui est dedans, et donc l'idée c'est de pouvoir revivre ce qu'a vécu son ancêtre, et donc dès qu'on sort effectivement des clous, qu'on fait quelque chose que l'ancêtre n'a pas vraiment fait ou n'aurait jamais fait, le jeu se désynchronise. Effectivement, c'est un très joli terme pour dire qu'on meurt ou qu'on recommence ou qu'on va à la sauvegarde précédente, mais voilà, et c'est ça qui est rigolo aussi, parce que et c'est ça aussi qui justifie le fait qu'on puisse aussi prendre des libertés avec l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'histoire telle qu'elle s'est passée, c'est l'histoire telle qu'elle est imprimée de manière mémorielle, physiquement, en fait, dans la personne. Donc, ce sont des souvenirs, en fait. Et les souvenirs, c'est imprécis, c'est subjectif, c'est influencé par toutes les choses extérieures. Et on peut aussi voir ça, donc, comme donc cette mise en abîme, mais sur le côté, l'histoire est aussi... ce qu'on raconte dans nos souvenirs, l'histoire. Enfin, c'est jamais que ça, en fait. L'histoire, c'est le récit des souvenirs des générations précédentes qui se transmettent plus ou moins bien, plus ou moins efficacement. Et même quand elle est inscrite physiquement dans nos gènes, elle peut aussi être interprétée. Aurélien Deveau ? Oui, moi, pareil. Disons que pour moi, la désynchronisation, si l'ancêtre, par exemple, lors d'une bataille, le joueur il meurt face à un boss qui est un peu trop fort pour lui, il ne mourra pas vraiment, étant donné que l'ancêtre, il a continué à vivre juste après. Pour l'ancêtre, il a réussi. Du coup, on n'a pas été à la hauteur de l'ancêtre. Voilà, c'est ça. Alors, je rappelle que vous pouvez, durant tout cet été, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Assassin's Creed. Loïc Rallet, on a entendu dire que les Assassin's Creed pouvaient être répétitifs. Ouais. Qu'en est-il ? Je crois que c'était surtout très vrai pour le tout premier Assassin's Creed. C'est la grosse critique qui lui a été faite. Ils ont bien corrigé ça par la suite avec des boucles de gameplay plus riches, plus imaginatives. Après, oui, d'un épisode à un autre, la formule se répète, il y a des schémas qui se répètent et c'est logique. Mais si vous jouez à GTA 4 et que vous jouez à GTA 5, en T2 jeu, effectivement, vous allez faire des choses un peu pareilles. Ouais, il y en a une, vous faites dans une espèce de reproduction de New York, l'autre, vous faites dans une reproduction de Los Angeles, mais finalement c'est un peu pareil. Et c'est un peu le grand mal de toutes ces grosses licences, et que ça revient régulièrement, alors plus ou moins régulièrement. Ça change d'endroit, ça change de personnage, mais ça s'inscrit dans toute une liste. Il y a toute une to-do list des choses à faire côté studio. Bah, qu'est-ce que c'est Assassin's Creed? Bah, il faut faire ça. Et forcément, des passages obligés. Il y a des passages obligés, et forcément, ça crée un sentiment de répétition que moi-même, à un moment, j'ai ressenti après Assassin's Creed 3. J'ai pris un peu de recul avec la série parce que moi-même, j'y avais tellement joué et tellement tous affilés qu'au bout d'un moment, j'ai ressenti une espèce de lassitude et je me suis un petit peu retiré tout ça. Mais Assassin's Creed aujourd'hui n'est pas plus répétitif que la plupart des gros blockbusters qu'on voit revenir tous les ans ou tous les deux ans, par exemple. Et à propos de passage obligé, il y a une séquence très intéressante dans l'Assassin's Creed, c'est ce moment où on est obligé de monter à une tour, souvent, ou le sommet d'une église, pour se synchroniser avec l'environnement, et il y a un formidable effet de caméra qui tourne comme ça, où on voit un paysage à perte de vue, qui va débloquer ensuite les missions susceptibles d'être effectuées dans le coin. Et tant et si bien que le des fois, moi je sais qu'en tant que joueur, je me surprends à passer des heures et des heures à devoir débloquer des cartes sans jamais avancer dans les missions, mais en touriste. Je pense que je me promène plus dans Assassin's Creed que je me promène dans la vie. Olivier Bénis, est-ce qu'il y a un sentiment un peu similaire chez vous? J'ai l'impression. Oui, exactement, oui, tout à fait. Mais parce que c'est un passage obligé, c'est devenu une sorte de signature hein, de la licence. Chaque jeu a un peu ça. Ça s'est plus ou moins, enfin ça s'est un petit peu enlevé ces derniers temps. Dans les deux derniers épisodes, notamment qui se passent dans l'Égypte antique et dans la Grèce antique, pour deux raisons à mon avis très simples. La première étant que ce sont des moments où les villes sont beaucoup moins verticales, on est quand même beaucoup plus près du sol, donc c'est forcément moins impressionnant si on sort des falaises et des choses comme ça. Mais et la deuxième raison, c'est que ça se garde aussi parce que c'est beau, quoi, tout simplement, et que je parlais tout à l'heure de tourisme virtuel dans le jeu, mais c'est vraiment ça. Et y a, d'ailleurs, c'est pas un secret, enfin c'est pas une surprise non plus que dans l'épisode Origins puis Odyssée, donc les deux derniers, Grèce antique et Égypte antique, je le rappelle, il y a un mode photo, tout bêtement, qui permet de faire des selfies tout en haut de la Grande Pyramide ou de la statue de Zeus sur une île, enfin voilà. Et il y a même un mode de tourisme désormais. Complètement. Et c'est ça qui fait que ça marche extrêmement bien aussi, parce que on parlait tout à l'heure de la reproduction de l'histoire. Effectivement, c'est très documenté. Il y a des personnages historiques à l'intérieur. Il y a des périodes, il y a des événements qui sont autant de bornes et d'endroits clés en fait qu'on visite. Mais ça n'est pas tenu par le réalisme complet. C'est-à-dire que c'est un mauvais procès en fait fait Assassin's Creed de leur dire que c'est pas assez réaliste, parce que l'idée est de nous plonger dans l'ambiance d'une époque. L'ambiance d'une époque, elle est constituée par les personnages, par les événements. Mais c'est autre chose, c'est vraiment faire ressentir ça. Et moi, je me souviens, il y a quelques temps, il y avait une exposition au musée Art Ludique à Paris qui présentait beaucoup d'éléments graphiques, de tableaux, de dessins pré-jeux ou dans des jeux. Et il y avait un écran à 180 degrés de la ville de Paris telle que représentée dans Assassin's Creed Unity. Et c'est vraiment ça, en fait, l'intérêt d'Assassin's Creed. C'est de vous mettre au milieu, non pas des événements historiques, des grands personnages, des choses comme ça, mais au milieu de la rue, avec les vrais gens. D'ailleurs, suite à l'incendie de Notre-Dame, Unity est finalement la dernière représentation véritablement concrète de l'architecture de Notre-Dame quand elle était encore intacte. Avec un petit anachronisme, si je me souviens bien, c'est que la flèche est dans le jeu, oui, alors qu'elle date de plus loin. Mais pareil, ça, on peut très bien dire que c'est lié aussi au fait que la mémoire du personnage que l'on joue a intégré la flèche dans le monument. Voilà, en trichant un peu, c'est pas très grave. Parce que Et c'est vrai que là, on parle beaucoup de paysages terrestres, mais il y a un opus c'est Assassin's Creed 4, je crois, Black Flag, qui a introduit les voyages maritimes. C'est-à-dire où on est à la tête d'un bateau pirate et on traverse comme ça l'océan avec les requins, une baleine qui jaillit de l'eau comme ça. Et ça aussi, ça a fait partie des nouveautés absolument incroyables qu'Assassin's Creed a amené dans le jeu vidéo. Moi, je sais que ça a été mon préféré. Ça a apporté un sentiment de liberté jamais atteint dans la série pour les joueurs. En fait, effectivement, donc pour contexte, c'était effectivement un épisode qui se passait au temps de la piraterie. Et forcément, qui dit piraterie dit bateau, et qui dit bateau dit exploration libre d'un monde ouvert. On pouvait passer d'un point A à un point B de la carte sans absolument aucun temps de chargement, ce qui déjà est une innovation technologique assez impressionnante. Puisque c'est immense. C'est immense, oui. Et c'est immense, et surtout, c'est une mécanique qui a tellement plu qu'on l'a ramené pour Rogue, où on passe des Caraïbes, du coup, à Assassin's Creed Rogue, où on passe en fait des Caraïbes à l'Arctique, et on l'a rajouté aussi dans Assassin's Creed Odyssey, où là, ça permet de complètement naviguer dans la mer Égée, ce qui donne lieu à des paysages sublimes, une mer turquoise, enfin, c'est une vraie invitation au voyage. Ce qui était super impressionnant aussi dans Assassin's Creed 4, c'était que par rapport à plein d'autres jeux, parce qu'il y avait des petits jeux de navigation dans plein d'autres jeux, ou des petits passages en bateau, mais là, on avait vraiment l'impression d'être sur l'océan, parce qu'on pouvait descendre du bateau à tout moment, oui. Et plonger. Et en fait, tout ce qu'il y avait sous le niveau de la mer existait aussi, également. Même si on n'y allait jamais. Mais il y avait ce sentiment que c'était, ça ajoutait au réalisme du jeu pleinement. Alors on va aussi plonger un petit peu dans une sorte de mémoire fantasmée. On va écouter Bovary de Clara Luciani. Hop, on y va. Cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot et Aurore Mancip ont préparé cette émission, et à la technique, aujourd'hui, Michel Bézikian. Je ne sais pas si je suis encore vivante, sinon quelle est cette douleur qui me hante. Mon corps se bêle en saut dessus d'une mer immense, mais je m'accroche, j'avoue. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous. Que j'assassine. Notre amour n'était rien qu'un léger malentendu qu'on a pris au sérieux. Fallait-il en arriver là? J'ai toujours eu pour nous des projets plus heureux. C'était Bovary de Clara Luciani. Frédéric Sigrist. So far, so good. Blockbuster. Sur France Inter. L'amitié doit naître lentement. Mais une fois présente, elle doit rester constante. La vie me sera plus difficile maintenant qu'Anaxagore doit quitter Athènes. Nous étions proches, mais il l'était plus encore de Périclès. C'est étrange qu'il ne soit pas venu le défendre. Périclès a l'habitude de défendre les gens. Ses amis proches, bien sûr. Mais l'issue du vote a l'air de plaire à Anaxagore, ce qui est source de plus de questions que de réponses. Tu as dit que vous étiez proche ? Il était comme un mentor pour moi. Bon nombre de mes meilleures idées sont issues de nos discussions. Qui es-tu ? Demande à quiconque et on te répondra Socrate. Mais un nom ne signifie rien. Ce sont nos actes qui nous définissent. Et chaque action a sa récompense et son prix. Ceci étant dit, toi, qui penses-tu être ? Mon nom est Cassandra. Je n'ai pas davantage l'impression de te connaître, mais peut-être puis-je découvrir autrement qui tu es. Tu tiens à me connaître ? Le savoir est la seule richesse de ce monde. Tu n'es pas de cet avis ? C'était un extrait d'Assassin's Creed Odyssey, une conversation entre Cassandra, un des deux héros, l'héroïne ou le héros, parce qu'on peut choisir le sexe de son avatar. Ce sont deux frères dans le dernier, et c'est une conversation avec Socrate. Et justement, ça me permet de poser une question à mes camarades autour de la table. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de proposer un personnage féminin comme avatar du joueur ? Question. Ça a mis du temps quand même. C'est une bonne question. Ça a mis du temps, mais c'est vrai que. À partir du moment où ce sont des femmes dans la série. Et donc pourquoi ne pas les avoir introduites plus tôt ? Tout simplement parce que la question s'était pas vraiment posée. On avait une succession de héros masculins qui avaient chacun leur histoire et qui apportaient chacun quelque chose à la série de manière différente. Faut savoir que Cassandra a pas été la première à être incarnable. Ça a été Aveline de Grandpré, qui était un personnage extrêmement intéressant à la Nouvelle-Orléans. Une esclave, affranchie, mais oui, une affranchie, ouais, tout à fait, et qui était aussi un personnage très intéressant qu'on pouvait incarner aussi du début à la fin. Donc c'était pas Cassandra n'était pas la première. Et après il y a eu Ivy à côté de son frère Jacob dans Assassin's Creed Syndicate. Et là, de la même manière, les deux personnages étaient très intéressants et très complémentaires. Et les femmes ont un rôle à part entière dans la série depuis très longtemps. Alors, personnage féminin, nouveauté dans Assassin's Creed Odyssey, dont on peut choisir aussi son orientation sexuelle. Ouais, exactement. Donc ça fait partie en fait d'une des mécaniques de gameplay qui était nouvelle dans le jeu dans Assassin's Creed Odyssey, qui était donc les choix de dialogue et le choix de créer des relations entre certains personnages. Et effectivement, peu importe si vous incarnez Alexios ou peu importe si vous incarnez Cassandra, mais en fonction de vos choix de dialogue, vous pouvez tout à fait séduire un homme ou une femme sans aucune distinction. Choix qui a d'ailleurs soulever une polémique par la suite dans les DLC, qui sont des compléments au jeu qu'on peut obtenir via ce qu'on appelle des passes saisonniers, parce que dans la suite de l'aventure d'Assassin's Creed Odyssey, si notre avatar était Cassandra, elle doit avoir un enfant, parce que la lignée justement des assassins doit se poursuivre, et si jamais on a fait de Cassandra une homosexuelle, forcément il y a plein de gens qui ont très mal vécu le fait que tout d'un coup le personnage soit imposé d'avoir une relation hétérosexuelle dans le jeu. Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de membres de la communauté qui avaient choisi de faire de leur Cassandra une Cassandra 100% lesbienne. Et du coup, effectivement, quand dans le DLC, on a dû, pour des raisons scénaristiques, lui faire créer une famille. Et d'ailleurs, ça va au-delà de la création de. Enfin, ça va au-delà du fait que Cassandra est un enfant. Pour des raisons scénaristiques, elle devait aussi avoir une relation stable avec quelqu'un avec lequel elle voulait enfin se poser dans un monde de guerre en fait à l'époque. Après voilà, donc twist scénaristique, il se passe beaucoup de choses qui fait que cet équilibre est cassé pour elle. Mais effectivement, on en a déjà parlé publiquement. Ça a été amené d'une manière un peu maladroite. Et effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés de cette décision et on s'en excuse. Et alors là, je m'adresse plus spécifiquement à Aurélien Devaux et Loïc Rallet. Il y a eu un sondage pour savoir dans Assassin's Creed Odyssey quel était le personnage le plus plébiscité par les joueurs. Et là où moi, dans ma tête, je me disais, ça va être évident que c'est Cassandra qui est la plus charismatique des deux. Eh bien non, c'est le personnage de son frère, son nom c'est Alexios, qui a été le plus plébiscité par les joueurs. Et vous me disiez pendant la chanson que vous-même, vous aviez choisi Alexios. Donc expliquez-moi. Je vais juste, parce que ça rejoint un petit peu la question qu'on a eue juste avant sur pourquoi ça arrivait si tard, c'est que dans le jeu vidéo, il y a un moment où il faut qu'on ouvre un peu les yeux. On a un vrai problème avec ça de manière générale dans le jeu vidéo. Historiquement, le jeu vidéo était pratiqué par des garçons, des adolescents, des hommes. C'est un public qui est très masculin. Ça change depuis des années maintenant. Ça s'ouvre. On a de plus en plus de femmes qui jouent aux jeux vidéo. Mais c'est vrai que le public masculin, il veut jouer la plupart du temps des hommes et les éditeurs de jeux vidéo. Non, à chaque fois que je crée un personnage, C'est pour ça que je dis la plupart. J'ai aussi beaucoup d'amis ou des gamers que je connais qui aiment bien avoir un avatar femme pour différentes raisons, mais c'est vrai qu'une bonne majorité quand même. Et pas pour celles qu'on pense, parce que je sais que je vais tout de suite recevoir des mails disant ouais, c'est pas surréal, frustré, contrôler une femme. C'est juste que pour des raisons esthétiques, je suis pas d'une petite fille, j'ai envie d'un monde où elles ont aussi des héroïnes. Ah, tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que pour les éditeurs de jeux, vendre un jeu dont le héros était, ou enfin l'héroïne du coup était une femme, c'était, c'est commercialement, c'était compliqué. Et puis même, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Assassin's Creed Liberation avec ce personnage féminin, qui effectivement, oui, c'est l'héroïne, mais c'est un jeu qui sort sur PS Vita, c'est un jeu un peu secondaire du coup. Donc on le fait, mais on le fait à tâtons un petit peu, parce que voilà, c'est compliqué. Et heureusement, dans le jeu vidéo depuis quelques années maintenant, on a ce turnover, les gens commencent à se rendre compte que bah oui, les femmes jouent aussi aux jeux vidéo, qu'il faut qu'elles aient des avatars auxquels elles puissent s'identifier. Et pour le coup, Ubisoft fait partie de ceux qui le font le mieux, je trouve. Mmh. Et donc du coup, c'est l'arrivée de Cassandra, mais c'est très bien, mais voilà, il faut que ça continue. L'important, c'est de donner le choix aux joueurs. Alors Assassin's Creed a été adapté en film, hein, on l'a dit tout à l'heure, et le masque et la plume, figurez-vous, ont adoré. Ah, attendez, on me dit dans l'oreille light que non, en fait. Bah, c'est la séquence, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Je suis parti avant la fin. Je n'ai pas supporté. C'est un film complètement inutile, complètement pompeux, pompier, tout ce qu'on... En plus, qui se prend très au sérieux. Le cadeau, c'est quand même la coiffure et l'allure de Marion Cotillard. Ah, alors là, je ne sais pas qui est le styliste qui a fait ça, mais on a l'impression d'une lesbienne berlinoise des années 30. Qui a des problèmes avec son papa, qui est un très méchant savant. Et on a l'impression que le type, il se prend pour un philosophe, quoi. Oh là, mais enfin, ça a le mérite de la franchise, dans tous les sens du terme, oui. Parce qu'on va avoir droit à tout un tas de suites, mais on sait que c'est très mauvais, puisqu'il y a le nom de Jeremy Irons sur l'affiche. Je vais me réserver le droit de dire tout le mal que j'en penserai certainement pour l'épisode 2, parce que dans l'épisode 2, il y aura l'affrontement Michael Fassbender, Marion Cotillard, qui est horriblement mauvaise dans le film, d'ailleurs. Elle joue comme une espèce de scientifique, comme ça, toujours des inflexions de voix, on a l'impression que c'est une chanteuse d'opéra, et comme à la fin de l'épisode 1, que je ne raconterai pas, il va lui arriver quelque chose qui va du coup la faire passer dans l'autre camp, celui de l'adverse de Michael Fassbender, je pense que le prochain épisode va être goulayant de caricatures. Ça pue le marketing, ça pue le produit de fabrication, ça n'a aucun intérêt. J'aime pas, j'aime pas. Ah, le masque et la plume. Mais ce qui est formidable, c'est qu'ils ne nous laissent jamais tomber dans Blockbuster, dans la séquence du troll. Ils sont toujours là, vraiment réglés comme un coucou suisse. Vraiment, bravo. Donc, effectivement, Assassin's Creed n'a pas marché. Est-ce que autour de la table, vous avez un avis est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné? Personnellement, je trouve que le film en lui-même était plus pour les fans de, enfin, les fans de la première heure. Et ils ont pu recadrer le film par rapport à la lignée, comment le contexte le replacer dans les jeux, tout ça. Mais en même temps, ça permet aux nouveaux, excusez-moi. Non, c'est pas grave, on n'est pas après. J'imagine que l'éditeur a déjà entendu ce mot-là, ça arrive. Les nouvelles personnes qui veulent s'intéresser à la franchise, par exemple, dans le film, on a un nouvel Animus, mais pour les anciens joueurs, il y a des clins d'œil. Par exemple, on peut voir le premier Animus qu'il y a dans Assassin's Creed 1 dans une scène ou certaines armes. Et certes, il y avait, par exemple aussi dans le DVD, il y a une scène avec un personnage qui a été malheureusement supprimé du film. Et personnellement, je trouve que le personnage aurait été bien qu'il soit resté dans ce film-là afin d'avoir plus de contenu pour le film. Et est-ce qu'on n'est pas face à l'éternel problème entre le cinéma et les jeux vidéo, qui est que devant un jeu vidéo, on a la possibilité d'être acteur, de manipuler son personnage, de l'emmener où on veut, et puis là, d'être finalement juste obligé de regarder quelqu'un jouer, mais sans la plus-value de l'investissement émotionnel. Non, parce que je trouve que Assassin's Creed, contrairement à plein de jeux qu'on a essayé d'adapter au cinéma, Assassin's Creed se prête super bien, en fait, à ce transfert, à l'adaptation ciné. C'est juste que c'était mauvais. Alors, pour le coup, moi, je suis très bon public en termes de cinéma. Moi, le film, j'ai trouvé plutôt bien. J'ai bien aimé. Et puis, contrairement à la personne, j'adore Jeremy Irons, donc j'étais très content de le voir dans le film. Non, moi, j'ai bien aimé. Je trouve que les décors étaient canons. Là encore, on retrouvait le côté recomposition historique qui était assez chouette. J'ai bien aimé, j'ai vu ça dans l'avion un jour en allant je sais plus où, j'ai passé un bon moment. Non, pour le coup, l'adaptation par rapport au jeu vidéo, elle est bien. C'est peut-être des soucis sur le scénario, sur les enjeux, sur la façon dont sont présentés les personnages, effectivement, où finalement c'est pas le problème du jeu vidéo vers le cinéma, c'est juste c'est Ubisoft qui pour la première fois fait du cinéma, et du coup bah c'est un exercice qui est différent et qui est un peu délicat, quoi. En fait, c'est si je peux me permettre, c'est un exercice très intéressant le film. En fait, je pense qu'Aurélien t'a très bien résumé la situation. En fait, bon, déjà le film n'a pas été un échec rocambolesque. Il a très bien fonctionné en France. Il y a certains pays dans le monde où il a fait de très très belles entrées, notamment en Russie, ce qui nous a beaucoup surpris positivement. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est un film qui a été extrêmement bien reçu par les fans parce que effectivement, ça a apporté un peu une pierre à l'édifice de la franchise au global. Le film, comme tous les produits qui sortent autour d'Assassin's Creed, s'inscrit dans une mythologie, dans un univers, et le tout reste très cohérent. Désormais, Assassin's Creed est vraiment une marque, c'est-à-dire que même la tenue des assassins, on peut la retrouver portée par d'autres personnages dans d'autres jeux. Il y a notamment Monster Hunter, un jeu Capcom dans lequel le personnage peut s'habiller en assassin. Il y a eu Ezio Calibur, un jeu de combat. Donc désormais, il y a un look, une patine Assassin's Creed. Et c'était le but de ce film, d'apporter une vision cinématographique de cet univers. Et effectivement, l'équilibre est très compliqué à trouver entre faire un film qui plaise aux fans, qui apporte donc sa pierre à l'édifice, à l'histoire de la franchise, et s'ouvrir aussi à un grand public. Et c'est ce que le film a essayé de faire, par exemple en mettant davantage en avant le présent, pour expliquer d'où vient un peu toute cette histoire d'Assassin's Creed, alors qu'effectivement dans les jeux, tout le temps est quasiment passé dans le passé. Et bien justement, ça, juste avant la prochaine chanson, c'est une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que le problème, justement, dans Assassin's Creed, ça n'est pas cette division permanente entre la science-fiction, un univers assez froid qui a déjà été balisé par énormément de jeux, et cette richesse historique qu'on a dans chaque jeu, c'est-à-dire la Grèce antique, l'Égypte, et qui fait quelque part beaucoup plus rêver qu'un futur apocalyptique où on se tape du béton, des ordinateurs. Est-ce que même en termes d'écriture des jeux désormais, c'est pas problématique de créer des environnements si riches par rapport à une réalité finalement plus pauvre? Alors, y a plusieurs choses. D'une part, je pense qu'en fait, le côté science-fiction et le côté historique se nourrissent l'un l'autre, dans le sens où le côté science-fiction, donc tout ce qui se passe aujourd'hui tout ce qui se passe dans le temps d'aujourd'hui, dans les jeux, permet en fait de justifier l'existence de la totalité de la franchise. Parce qu'effectivement, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une lutte à travers le temps entre assassins et templiers. Et pour que le tout reste cohérent d'un point de vue scénaristique, il fallait cette surcouche de présent pour expliquer pourquoi les gens vont dans le passé pour rechercher ces artefacts. Et après, au-delà de ça, c'est aussi le rôle du jeu vidéo de proposer, comme disait aussi, une version un peu fantastique de notre monde, et qui rajoute une couche de rêverie à nos univers. Il y a quelque chose aussi sur cette relation entre le côté un peu science-fiction ou anticipation et passé, c'est que petit à petit dans les jeux, on a vu de plus en plus quand même se faire très discrète cette partie science-fiction. C'est qu'au début, c'était vraiment très scénarisé. L'exemple type, c'est que les premiers jeux commençaient par des passages dans l'animus, par nous expliquer qui est Desmond, etc. Alors que les derniers commencent directement, on attaque, c'est vous voulez de la Grèce antique, allez c'est parti, la Grèce antique. Et après, on a des petits éléments supplémentaires, on revient vers le présent, mais c'est vraiment plus des petites incises pour avoir cette espèce de justification, comme tu disais, de cohérence scénaristique. Dans quelques instants, on va finir par jouer avec un auditeur, mais avant cela, on écoute The National avec Light Years. Outside for me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start, didn't know you were gone till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows alone. could have been right there next to me, and I'd have never known of the glory of it all. Was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you. Light years away from you. Light years away from you. Light years away from you. Light Years de The National, et maintenant, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Vous nous appelez d'où? De Calais. De Calais. Alors, est-ce que vous êtes j'imagine que vous êtes un grand joueur d'Assassin's Creed. Oui, j'ai repris avec Origins. D'accord, donc celui qui se passe en Égypte. Voilà, c'est ça. Vous avez un opus préféré? Odyssée, en fait, c'est le dernier, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien, en fait. Bon, bah pareil, on est d'accord, il y a une sorte de consensus autour de la table. Alors, on va attaquer le jeu. Vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. D'accord, très bien. Allez, c'est parti. Si je vous donne le chiffre 2, est-ce que cela correspond, réponse A, au nombre d'années qu'il a fallu pour écrire le scénario d'Assassin's Creed Unity, réponse B, au nombre d'années qu'il a fallu pour modéliser la cathédrale Notre-Dame de Paris dans Assassin's Creed Unity, ou réponse C, au nombre d'années qu'il a fallu pour réaliser tout le jeu Assassin's Creed Unity? Je dirais le temps pour modéliser Notre-Dame. Réponse B. Eh bien, c'est une bonne réponse! Bravo Cyril, c'est effectivement la réponse B. Il a fallu 2 années entières rien que pour la construction et la modélisation de la cathédrale de Paris dans le jeu, en sachant que les designers ne l'avaient jamais visité en vrai. Hein, on me confirme ça? Il y a certainement eu des voyages d'études quand même. Si, tout ah, si, en okay, fait, okay. Pour chaque épisode, les équipes se rendent dans les pays dans lesquels... Très bien. Ça aurait été vachement plus glorieux pour eux de ne pas l'avoir vu et d'avoir réussi à faire ça. Mais bon, si vous voulez les faire passer pour des mecs laborieux qui sont obligés d'aller sur place pour se documenter, on va dire... Ils ont fait une pyramide. Pas qu'ils s'occupent de la com chez Ubisoft. Bref, question suivante. Le jeu Assassin's Creed devait être le spin-off d'un autre jeu. Lequel s'agit-il? Duquel s'agit-il? Prince of Persia. Voilà, mais Cyril, il est incollable. C'est effectivement... Parce que je pensais que vous alliez donner plusieurs choix, en fait. Non. On donne l'illusion d'être généreux au début, puis après, on devient des vrais rats. Donc, effectivement... La réponse est exacte, c'est bien Prince of Persia. Le jeu devait s'appeler Prince of Persia Assassin, et on devait suivre les aventures de la garde d'un jeune prince. Autre petit ange parti trop tôt, Prince of Persia. Voilà, alors oui, d'ailleurs, Prince of Persia... Quid de Prince of Persia, est-ce que j'y reviendrai un jour? Voilà, tout le monde espère. On espère, voilà. Dernière question, Cyril, vous êtes prêts? Oui. À présent, on va vous faire écouter une musique, et ça sera à vous de nous dire de quel numéro d'Assassin's Creed elle est tirée. Alors, Cyril? Ah, j'ai fait prendre le joker là, parce que je suis pas sûr du tout. Alors, un joker, qui choisissez-vous? Je vais prendre Olivier Bénis. Très bien, Olivier, victime de son succès sur France Inter. Olivier. Moi, j'aurais dit Assassin's Creed Odyssey. Ouais, c'est ce qui me semble aussi. Eh ben voilà, allez hop, c'est gagné. C'est gagné, bravo à vous Cyril, vous avez gagné le collector du jeu Assassin's Creed. Ah, il en est tombé dans les pommes. Là, on l'a perdu. Et voilà, il s'est dit, oh, c'est vrai. Oui, c'est vrai, le collector. Le collector, vous connaissez le prix du collector? C'est lequel épisode, en fait? Ah, Odyssée. Ah oui, c'est très bien alors. Voilà, le prix de revente, tout ça. Non, il y a moyen de se faire de la caillasse. Hein. Merci Cyril, merci beaucoup. À bientôt. Je remercie également mes invités, Anthony Solaire, Aurélien Deveau-Walter, Loïc Rallet et Olivier Bénis. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer Assassin's Creed. Comme toujours, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Assassin's Creed, ou nous retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter, hashtag BlockbusterFI. Direction l'an -431, le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. On se retrouve demain pour parler d'aventure, de marins alcooliques, de savants complètement sourds, de bachibouzouk. Demain, on parlera de Tintin.